rageux dans les gènes. Affaire de Moudjahidine, le son frère qui les gêne. En attendant le hajj dans la ville de Medine, Ma'adin, sac 9, le mal n'a pas le visage que l'on croit. Même la plus belle des femelles peut te planter sur ta croix. Néfaste, braquage, arnaque, go fast, on danse avec de la mort pendant qu'on douane toute la nuit. On fait l'amour, on se bute à la teaser. Clic, clic, boum, le rap français se fait douiller, enterré, à faire classer. Laisse-les jacter, jacasser, se clasher. La rue sait reconnaître tous les siens. Pas besoin du cachet de tous ces soi-disant MC anciens. Trop cachère, car à bout de la part de mes bouffeurs de cachère. Je suis pas né dans le cachemire, parti de néant, ma paire de couilles vaut très cher, je te l'assure. Lender, assez MC terre terrifiant. Ouais frère, je te rassure, je te rassure, je te rassure. Ça vient du 5-9 au Mike G9. J'ai plus de bruit que le son d'une kalachnika. On marche la France, MC fuck off. 5-9, 5-9. Ça vient du 5-9 au Mike G9. J'ai plus de bruit que le son d'une kalachnika. On marche la France, MC fuck off. 5-9, 5-9. Après réflexion, je rentre dans cette meule. Là où pas mal de putes n'ont rien à dire, me ramènent leurs frères. Ça parle de business, ils investissent des 5 meufs. Pistés par les keufs, les billets se font rap meufs. Dans mon secteur, l'esprit sectaire communautaire nique les inspecteurs tagués sur les murs du terre-terre. Levé de roue en scooter, les minots sont précoces, précaires. Roulent leur masse toute la night, ça rabatte, ça sort en boîte, ça se nique, ça se fight. Pas de morale, rien que du réel. Amateur de sensationnel, ça fout des tasses aussi bonnes que les poufias de L'Oréal. Pour 40 balles à Bruxelles, déterminé. Tel est le mot d'ordre quand il s'agit de passer à l'action. Ce qui fait la différence entre un homme et le bouffon. Trou de fion, le cerveau endommagé. Ça vient du 5-9 au Mike G9. J'fais plus de bruit que le son d'une kalachnika. On matisse la France, MC fuck off. 5-9, 5-9. Ça vient du 5-9 au Mike G9. J'fais plus de bruit que le son d'une kalachnika. On matisse la France, MC fuck off. 5-9, 5-9. Ne me parlez pas de paix, c'est la guerre des nerfs. Les MC sont retranchés, l'homme de Gouan n'est pas prêt de flancher. Révolution urbaine distribuée sous format CD, leur variété prête à décéder. Il est temps de hisser le drapeau, lève le voile, prépare ton pactage. Prise de position bien réfléchie, réveille en toi le guerrier. Faut pas que ton esprit fléchisse. Taïa dans les artères, gêne de Moudjahidine. Hacker en tout genre, breaker, graffeur, beatmaker. Marginaux d'un système d'enfoirés où ne siègent que des foireux. Lyrics forgés dans l'acier trempé. Je n'ai plus le temps de plaisanter, j'impose mon veto. Palestinien, on ne t'oublie pas. Un seul peuple, un seul Dieu, garde la foi. 59 gigaoctets de connaissances sur le terre-terre. Chaque jour mon savoir s'enrichit. Ça vient du 5-9 au Mike G9. J'fais plus de bruit que le son d'une kalachnika. On matisse la France, MC fuck off. 5-9, 5-9. Ça vient du 5-9 au Mike G9. J'fais plus de bruit que le son d'une kalachnika. On matisse la France, MC fuck off. 5-9, 5-9.